jeudi à Assemblage Requis. Stéphanie Gagné nous fait connaître l'autre de ses coups de cœur artistiques ou culturels dans sa chronique Ton plat favori. Et on écoute une toute nouvelle capsule humoristique de Vidon la don la question. C'est à Assemblage Requis, jeudi 15h.